cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune faille tout le temps avant que j'aie fini de parler? Cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, Ligue BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoires courtes et récits longs, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 27 novembre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Liki BD, une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information, likibd.com. Ce soir à l'aérospatiale, le Salon Nouveau Genre, la Ligue québécoise d'impro BD, les publications Faire avec et Fabriquer l'improbable et l'exposition Coula d'Olivier Dessert à la Serre Contemporain. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Donc, Sarah Bélanger-Martel au micro encore ce soir, cette édition du 29 novembre, où on reçoit de la belle visite comme d'habitude. D'abord, en début d'émission, on a notre chroniqueuse Suzy Dufour qui va revenir sur un match de la Ligue québécoise d'impro BD qu'elle est allée voir dimanche dernier. On a un petit problème de son, on s'excuse, attendez un petit peu. On va régler ça tout de suite. Alors, vous m'entendez toujours, j'espère. C'est réglé. la radio communautaire, c'est super. Donc, ce soir, Suzy Dufour, elle va nous parler de ce match qu'elle est allée voir à la Ligue québécoise d'impro BD. Et moi, j'ai bien hâte d'en entendre parler parce que, juste de nom, comme ça, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Alors, Suzy va nous en parler sous peu. Ensuite, on reçoit un trio de créatrices et créateurs qui vont participer à cette nouvelle édition du Salon Nouveau Genre. On a en studio qui vont se joindre à nous sous peu, Kael Mercader, Estera Preda et Pierre Girard, qu'on connaît mieux sous le nom de Pierre, qui sera en studio donc pour parler à la fois de leur pratique en illustration, mais aussi de l'événement qui se déroulera dans Limoilou la semaine prochaine. Et ensuite, en deuxième moitié d'émission, on aura une entrevue avec le peintre Olivier Dessert, qui expose actuellement à la galerie La Certe. Et on va parler également avec Véronique Leblanc, qui est commissaire et auteure, qui a participé à deux publications qui ont été lancées la semaine dernière à la Chambre Blanche. Donc, les publications sont « Faire avec et fabriquer l'improbable ». On a eu la chance de parler avec Véronique et on va pouvoir vous diffuser cette entrevue qu'on a réalisée la semaine dernière. Beaucoup de beau à se mettre dans les oreilles. Donc, et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec une sélection audio de Simon Roy, qui a choisi ce soir le projet électro-ambiant berlinois « Colors of Melancholia ». Donc, on va écouter un premier extrait. Vous allez voir, c'est il y a un petit loop down tempo très hypnotisant qui se marie bien là, avec la grisaille de ce début d'hiver. Alors, voici la pièce Gretchen Merks. Thank you. Alors, avec moi en studio, Suzy Dufault. Bonsoir, Suzy. Bonsoir, Sarah. Suzy, tu vas nous parler ce soir du match de la Ligue québécoise d'impro BD que tu es allée voir dimanche dernier. Oui, tout à fait. Je suis vraiment curieuse, alors je vais en découvrir pas mal. Ben moi, c'était ma première fois, mon initiation à la Ligue BD. Je suis une grande consommatrice d'improvisation dans la ville de Québec, une grande consommatrice d'art visuel, de musique, mais j'avais jamais fait l'expérience de tout ça en même temps. Et c'est ce que la Ligue québécoise d'improvisation BD nous offre. Ils existent, je pense, ce que j'ai retracé comme événement sur leur page Facebook depuis 2014, mais ils étaient auparavant au Cercle. Donc, une ambiance plus festive, de soir, puis c'était le concept plus conventionnel où il y a deux équipes qui s'affrontent en termes d'improvisateurs. Et derrière, ben on a sur écran géant le dessin qui se crée en même temps. Donc, on a aussi des dessinateurs qui font partie des équipes, donc deux dessinateurs par équipe. Et il y a de la musique qui enveloppait tout ça et qui incitait aussi à des atmosphères particulières pour guider l'improvisation ou le dessin et vice-versa. C'est une nouveauté pour la Liki BD de déménager au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est leur troisième édition, ce que j'ai vu dimanche, en fait. Et c'est un virage un peu famille, j'ai l'impression qu'ils font. Parce que dans ce cas-ci, on avait accès finalement à une seule équipe d'improvisateurs qui devait faire de courtes improvisations inspirées d'un dessin et d'une ambiance musicale en même temps. Et ensuite, ils devaient faire une espèce de récit BD chapitre. En chapitre, en quelque sorte, dicté par le maître de jeu. Il y a un maître de jeu comme dans tout, toute ligue d'improvisation, mais aussi par le public qui devait un peu voter les tableaux qu'il préférait, les personnages qu'il préférait, les ambiances qu'il préférait. Donc, ça va vraiment au-delà de l'improvisation simplement en dessin. On parle d'une trame narrative qui se développe. Exactement. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'on a souvent le mélange, en fait, le concept d'improvisation musicale est très présent. Je pense aux soirées d'improvisation à la Nikasi musicale ou les ligues d'improvisation à Québec ou à Montréal. Bon, on sait très bien que c'est le Québec qui a inventé ce concept-là un peu théâtral. Mais de dessin en direct qui s'allie à toutes ces sphères-là artistiques, c'était, ma foi, assez intéressant. Et là, j'ai l'impression que toute cette équipe-là, composée de trois acteurs, improvisateurs, dessinateurs et musiciens, savaient qu'ils s'adressaient finalement à un public famille parce qu'il était une heure l'après-midi et qu'on était dans le cadre de l'événement forêt ou bois, là, journée familiale au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, les facilités peut-être de l'improvisation, du dessin en direct ou même des improvisateurs de tomber dans la caricature peut-être un peu plus grivoise n'étaient pas permises. Donc, on avait vraiment affaire à des gens tous ensemble qui collaboraient pour créer une histoire de toute pièce, puis basée un peu justement sur le fantaisiste, le léger, puis bon, de faire appel justement à ce public-là pour ça. Donc, les dessinateurs qui étaient présents dimanche dernier, c'est Richard Valran, là, qui est assez connu dans la sphère artistique à Québec. D'ailleurs, il fait partie du collectif La Chope à Bulles, qui est situé à la Maison de la littérature. En tout cas, il y avait aussi Caroline Soucy, Catherine Lemieux, qui est une artiste de la relève. C'est sûr qu'ils étaient un peu incités peut-être à créer des univers BD plus joviales, fantaisistes, fantastiques. Et ça s'adressait pas seulement aux enfants, mais bien à un public de 7 à 77 ans qui disait, mais effectivement, moi, j'y ai trouvé un plaisir énorme à voir les univers s'entrecroiser comme ça. Et le fait qu'il y ait à la fois de la musique, du dessin, il y a toute une trame narrative qui se trace, est-ce qu'il y a un de ces éléments-là qui prend, est-ce que vraiment le dessin, est-ce que la bande dessinée arrive à prendre sa place dans cette échange-là dynamique un peu? Est-ce que oui, ça s'impose bien comme étant la forme principale d'art qui est en train de se créer? Ça dépend, je dirais, des catégories, parce que comme dans les ligues d'improvisation, il y a des catégories chanter, parler, blabla, et on a l'impression que le maître de jeu a instauré une suite de catégories où chaque discipline artistique avait, si on veut, sa place plus importante à des moments plutôt qu'à d'autres. Dans plusieurs, au début de la, j'allais dire la soirée, parce que on est habitué d'aller voir des manifestations en soirée, durant l'après-midi, on sentait qu'au début, le maître de jeu demandait aux musiciens d'instaurer une ambiance. Et ensuite, aux dessinateurs de s'inspirer de cette ambiance-là pour créer un décor ou des personnages. Et ensuite, invitait les improvisateurs à venir jouer avec ça. Et tout le monde continue finalement à improviser tous ensemble selon un thème qui a été dicté, premièrement par la musique, ensuite le dessin, puis ensuite les joueurs. Tout ça finit finalement par s'entremêler parce que on a l'impression que là, si les joueurs décident que finalement ils se retrouvent dans une pharmacie dans leur histoire, ben les dessinateurs se dépêchent à créer un univers de pharmacie, puis là, à un moment donné, il peut y avoir une bombe qui explose, ils rajoutent sur le dessin, on voit tout ça en écran géant derrière. Les joueurs doivent finalement jouer avec tout ça. Donc, c'est... Et est-ce que le dessin arrive à prendre sa place aussi? Parce que je pose la question parce que j'ai l'impression parfois que, étant donné la forme plus classique de l'impro qu'on connaît, qui est de l'improvisation théâtrale, il y a souvent les autres formes, que ce soit de la musique. J'ai souvent vu, en fait, dans des matchs ou des événements qui s'annonçaient avec une place prépondérante pour la musique, finalement, la musique est un peu en soutien au théâtre. Et là, j'étais curieuse de me dire, est-ce que vraiment le dessin arrive à contrôler ou à guider ou à s'épanouir, en fait, dans ce type d'événement-là? Je dirais que oui, parce que souvent on demandait aux dessinateurs d'emblée de créer chacun un personnage. Donc déjà, le personnage a une couleur, on le voit presque déjà parler ou agir, et ensuite le joueur devait se placer devant un des dessins à l'écran, puis essayer de le faire animer finalement ce dessin-là. Ensuite, il demandait aussi au dessinateur de créer des univers, donc des décors, puis ensuite les joueurs devaient jouer avec ce décor-là. Ce qui était aussi intéressant comme dialogue aussi entre le dessin et ce qui se passait durant cet événement-là, c'est entre le dessin et le public, parce que souvent, ils séparaient la feuille, en quelque sorte, en trois, et le public devenait, tu sais, un peu comme l'histoire dont tu deviens le héros, là. C'est un peu de notre génération. Oui. Le public devait, justement, choisir numéro un, numéro deux, numéro trois. On était devant un public justement assez jeune, des enfants 5, 6, 7 ans, et à chaque fois qu'il y avait un univers très fantaisiste, avec des licornes et des bonbons, bon, ben c'était l'univers qui était choisi. Et ensuite... Le poids de la démocratie. Oui, hein, voilà. Et les autres dessinateurs qui avaient peut-être un style différent que la dessinatrice qui avait choisi cet univers-là devaient un peu se... aussi s'adapter finalement à un univers qui n'est pas le leur du tout. Parce que dans le dessin, justement, quand les trois dessinateurs séparaient trois cases, ben on voyait leur style particulier, leur identité artistique en tant que dessinateur. Puis justement, d'amener un univers inscrit comme ça, par exemple, c'était, je pense, le royaume des confettis. C'est le thème qui a été établi pour la longue histoire de la fin. Les illustrateurs, les dessinateurs qui d'habitude sont plus habitués à quelque chose de peut-être plus adulte, devaient harmoniser finalement leur style artistique avec ça, puis ça donnait vraiment des collaborations assez intéressantes et des couleurs diversifiées. D'ailleurs, ça, c'est un des points qui me frappe un peu de cette expérience-là, contrairement peut-être à d'autres matchs d'improvisation du type plus standard où on a calqué un peu l'idée du jeu sur le jeu de hockey. Ici, il n'y a pas nécessairement de compétition directe, alors c'est vraiment un jeu de collaboration, et ça comporte ses défis aussi, évidemment, mais qu'est-ce que ça apporte de plus, cette absence de compétition, si on veut, entre... Je pense que ça apporte une espèce de côté contemplatif du spectateur qui n'a pas à voter pour faire gagner quelqu'un ou une équipe ou quelque chose en particulier, mais qui ne peut que se réjouir de ces gens-là qui vont s'enfiler, finalement, parce que ce sont tous des improvisateurs, que ce soit pour le dessin, la chanson, la musique et le jeu, d'être impressionné finalement, peut-être un peu plus que d'être dans un état de jugement. Parce que pour avoir assisté à plusieurs matchs d'improvisation, on est toujours en train de dire « Ouais, mais lequel j'ai préféré? Ah, ça, c'était peut-être moins bon. » Là, on est juste dans l'espèce d'absorber, tu sais, le fait d'absorber finalement ce qu'on qu'on nous offre dans ce moment-là. Puis je pense que ça concorde un peu avec le virage famille, justement, qu'ils ont choisi de faire. Bien, ça sera donc quelque chose que tu m'as convaincue d'essayer. Oui, tout à fait. Si jamais, comme moi, j'ai d'autres auditeurs, auditrices ont envie de voir de l'impro BD, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres matchs de prévus? En fait, c'est des manifestations mensuelles. Donc, une fois par mois, il y a un match comme celui-ci. Je crois que ça aura lieu, en fait, ou je ne crois pas, c'est ça. Ça aura lieu au Musée national des Beaux-Arts du Québec à la fin du mois de janvier. Et si vous voulez d'autres espèces de collaborations entre bandes dessinées, cirque, musique, etc., il y a le collectif, le groupe Parenthèse 9 qui essaie, en fait, de sortir la BD de ses cases précises, puis finalement de la faire vivre avec d'autres disciplines artistiques. Allez voir ça, ils ont une page Facebook. Il y a la Leaky BD aussi qui a une page Facebook. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Ben merci beaucoup, Suzy, de ce retour sur cette soirée à la Leaky BD. Oui. Merci beaucoup. Et nous, on fait une courte pause musicale et ensuite, on se retrouve avec un superbe trio qui va nous parler du Salon Nouveau Genre qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Alors, on est de retour à l'aérospatiale et on a rempli le studio à nouveau avec, je vous annonçais, un magnifique trio. Alors, avec moi en studio, j'ai Kaël Mercader. Bonsoir, Kaël. Bonsoir. Oui. J'ai Estera Preda. Bonsoir. Et Pierre Girard, Pierre. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait régler cette question-là une bonne fois pour toutes. Oui. OK. Bon, la question, c'est tu Pichier ou Pierre? Exactement. C'est Pierre. D'accord. C'est comme qu'est-ce que tu as fait hier? Non, c'est pas ça, juste d'habitude. Pierre, comment était ta soirée? OK, donc c'est réglé. Pierre. Mais moi-même, j'ai rendu, je dis Pichier. Je m'appelle Pichier. Pichier. Hey, Pichier. Moi, je trouve ça quand même cool. piché. Ouais, moi aussi. On reconnaît, en tout cas, on reconnaît ta signature, le nom, mais on reconnaît aussi ta signature visuelle parce que, d'ailleurs, tous les trois, j'ai la chance de vous avoir pour le Salon de Nouveaux Genres, mais aussi, vous avez chacun une pratique en art, en illustration, que j'espère qu'on va pouvoir aborder parce que je profite de l'occasion du Salon de Nouveaux Genres et de savoir que vous êtes en studio pour qu'on puisse parler aussi de vos pratiques. Et peut-être qu'on peut justement commencer un peu évidemment, vous allez tous les trois participer au Salon Nouveau Genre qui a lieu dans Limoilou, encore une fois, cette année. C'est nouveau, ce déménagement de Pénate. Donc, ça fait juste une édition qui a eu lieu à l'église Saint-Fidèle, si je ne me trompe pas. Vous me corrigerez. C'est correct. OK, vous me corrigez parce que j'ai ici des vétérans. Hein, avec moi, est-ce que j'ai bien des vétérans du Salon Nouveau Genre? Un vétéran. Ouais, parce que ben moi puis c'est vrai aussi, je pense que c'est chacun notre première participation, disons, oui, en tant qu'exposant. J'étais encore le vétéran. J'étais cœuré. Mais oui, moi j'ai participé au premier il y a plusieurs années quand c'était à la Fabrique des arts visuels. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne s'en rappellent même pas. Puis après ça, j'en ai deux que je n'ai pas participé, mais j'ai presque participé à toutes de les 14. Oui, c'est déjà la 14e édition. Donc, la première édition, tu le mentionnais, en 2008 à la Fabrique. Et depuis un certain temps, c'est devenu pourtant synonyme de sous-sol d'église parce qu'on a eu, pendant un bon bout de temps, c'était installé à l'église Saint-Jean-Baptiste. Et là, cette année et l'année dernière aussi, c'était à l'église Saint-Fidèle ici dans Limoilou. Donc, qu'est-ce que c'est que le Salon Nouveau Genre? C'est une espèce de bazar nouveau genre. Je ne sais pas si vous auriez votre définition, même si vous n'étiez pas comme exposant, vous avez sans aucun doute participé comme acheteur. Ouais. Oui, tout à fait. Ben, je vais dire comme ce qu'on m'a dit au Salon du Livre à Montréal, c'est le Salon Nouveau Genre, c'est le Exposine du Nord. Ah. Alors, l'Exposine, c'est plus des micro-éditions, de fanzines et tout ça. Mm-hmm. Tandis que le Salon Nouveau Genre, c'est beaucoup plus... vous avez de la micro-édition, vous avez des artisans, vous avez des illustrateurs, vous avez toutes sortes de gens, des sculpteurs, mais c'est comme plus... c'est moins comme une niche, mais c'est vraiment plus ouvert. Mm-hmm. Mais, oui, d'ailleurs, il y en a beaucoup de gens qui vont exposer cette année, plus de 170 exposants, si j'ai bien lu. Je pense que c'est une des plus grosses années, parce que aussi l'Église Saint-Fidèle permet de pouvoir avoir autant de monde, mm-hmm, beaucoup plus, puis on est moins serré aussi, puis il y a beaucoup plus de personnes qui y vont. Mm-hmm. Donc, il va y avoir un peu des choses pour tout le monde. Je regardais rapidement la liste des exposants, autant des pots à fleurs en béton que des imprimés d'illustrations. Qu'est-ce que vous allez présenter au Salon Nouveau Genre? Peut-être, Esthera, on peut commencer avec toi? Bien, moi, je vais avoir des imprimés. J'ai des petits originaux de toutes les tailles. Puis, j'ai un petit magazine aussi, un petit fanzine, si on arrive à le faire à temps. Là. Je pense que oui, avec Pierre, d'ailleurs. Puis, c'est vraiment très... C'est juste des choses visuelles là, que j'ai. Moi, j'ai... Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que c'est vraiment ça. Des imprimés, puis des... Puis des originaux. Est-ce que c'est une production que tu as fait spécifiquement? Donc, tous les gens que je connais qui participent au Salon Nouveau Genre en ce moment, ils sont chez eux en train de produire. Il y a comme un rush de production très intense. Est-ce que toi, tu as... Oui, c'est vraiment mon cas aussi. Cette semaine, je passe la semaine à faire des originaux juste pour le Salon Nouveau Genre. OK. Et par originaux, qu'est-ce que ça va être? C'est de l'encre? Oui, c'est ça, c'est de l'encre. C'est des petits 4 par 5 pouces. Puis d'autres tailles, des un peu plus gros aussi. De petites illustrations, de petits visages que les gens qui me suivent sur Instagram puis sur Facebook, ils savent un peu c'est quoi mon travail, puis ils peuvent s'attendre à trouver de ces produits-là. Oui, des très belles illustrations avec il y a un côté très onirique dans ton travail. On dirait il y a des symboles, il y a une esthétique un peu... j'ai l'impression qu'il y a un renvoi vers une esthétique début 20e siècle, là, parfois. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment... est-ce que tu serais d'accord avec cette définition-là? Oui, bien, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'interprétation de mon travail. C'est pas quelque chose que je fais qui est trop... J'ai pas pensé à un concept de fou. Je veux dire, c'est vraiment juste plus mais ce que j'aime puis ce qui me représente. Puis j'aime beaucoup les choses, justement, des années 20. Fait que ça, c'est, je pense que naturellement, ça se représente dans mon travail. Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est tout le monde peut faire sa propre interprétation de mon travail. Oui, si on veut voir ton travail plus en détail, tu as un site web estherapreda.com. C'est bien ça. Oui, donc on pourra aller chercher un peu davantage, sinon on passe au Salon Nouveau Genre. Et toujours en illustration, Kaëlle, veux-tu nous parler parler de ce que tu présentes. OK, bon, mais moi, au Salon de Vaugirard, j'ai beaucoup d'impressions de dessins que j'ai fait numériquement. Il y en a plusieurs qui ont déjà été présentés, que j'avais mis en vente à un pop-up qu'on avait organisé cet automne, que j'avais encore en stock, fait que je vais les passer maintenant au Salon de Vaugirard. Mais aussi, je vais en avoir des inédits que je vais aller faire imprimer dans les prochains jours. Uh-huh. Puis, il y a beaucoup de choses que les gens ont pu voir, les gens qui me suivent sur Facebook qui ont pu voir. Mais aussi, là, je me suis prêté au jeu des originaux. Comme Estera, j'ai des petits dessins que je pense qu'ils feraient des vraiment beaux cadeaux de Noël. Vraiment, s'il y a des gens qui n'ont pas encore fait leur magasinage, les fêtes. Mais c'est des petits formats. Puis il y en a plusieurs en noir et blanc, mais il y en a aussi avec la couleur. Mm-hmm. C'est assez différent de ce que je propose comme les impressions que j'ai faites. Ça, c'est tout des dessins que j'ai faits avec ma tablette graphique en utilisant des logiciels d'illustration. Mm-hmm. Mais les originaux, c'est ça, c'est vraiment tout fait à la main, avec des crayons faute puis de l'encre aussi un peu. Oui, c'est surtout ton travail avec justement avec les logiciels comme Paint ou ouais. C'est ce qu'on connaît peut-être ça, le plus ça, de ton travail. Ben, c'est le Velasquez du Paint. Oui, on m'a attitré le Velasquez du Paint, c'est vrai. Mais là, j'essaie d'entrer un peu plus dans le 21e siècle en utilisant de plus en plus Photoshop. Mais je mélange les deux. Des fois, je fais un bout sur Paint, un bout sur Photoshop. Je tiens aussi à conserver l'esthétique un peu plus low-fi. Oui, puis c'est un peu ce qui caractérise ton travail aussi. Il y a l'aspect commentaire sur l'actualité ou sur la culture populaire oui, c'est vrai, du moment. J'aime bien moquer des politiciens. Puis, c'est beaucoup de. Mais mon père est caricaturiste, fait que j'ai vraiment beaucoup grandi dans ce milieu-là. Fait que je fais beaucoup. J'ai fait une caricature de Donald Trump habillé en empereur romain, mais complètement magnifique, grotesque. Magnifique. Puis, ouais. Merci. Puis, c'est ça. Je fais beaucoup de commentaires un peu sur l'actualité. Ça, c'est mon côté un peu plus éditorial. Mm-hmm. Mais il va y avoir ça d'ailleurs. Au Salon Nouveau-Genre, des choses, mais aussi des choses un peu plus sérieuses, comme, j'ai fait un magnifique portrait de David Bowie à l'occasion de sa mort, il m'en reste quelques-uns. Puis, ça fait que vraiment, des fois, il y a de la satire, mais pas juste ça non plus. Mm-hmm, mm-hmm. Et d'ailleurs, là, les gens, tu parlais de ta page Facebook tout à l'heure, mais t'as aussi un Tumblr. Oui, c'est vrai. L'adresse c'est tumblr.com/gokaelmercader avec des traits d'union entre chacun des trois mots. Parfait, alors on va pouvoir découvrir davantage sur ton travail. Et le dernier, mais non le moindre, Pierre. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas nous présenter au Salon Nouveau Genre? Encore des fucking bonhommes, là. Mais juste ça, des fucking bonhommes. Ben, des bonhommes de toutes sortes quand même. Toutes là. Sortes, ouais. Je vais avoir des cartes postales, je vais avoir des personnages que je fais des petits pieds, qui vont des originaux. J'essaie de varier mes prix, il va y avoir des trucs à 5$ à plus cher. Ça va être pour tous les genres. Plein de cartes, plein de bonhommes. J'en ai vraiment beaucoup. Là. Je suis en train de les imprimer en ce moment parce que moi, je les imprime toutes sur mon imprimante d'une par une. Mm-hmm. Ça fait bzz, bzz, bzz. Je suis capable déjà. Là. Il reste encore quelques jours. Là. Je sais que ça va brasser. J'essaie de travailler en même temps. Puis là, je travaille à l'ordi pour mes contrats. Puis là, ça fait bzz, bzz. Puis là, ça brasse. Bzz, bzz. Mais je vais y arriver. Puis il va y avoir toutes sortes de thèmes. Il va y avoir des trucs de Noël. Il va y avoir plus des choses que je fais un peu comme... sur la culture pop aussi. Mm-hmm. Il va y avoir mon Meow Vader, j'en ai sur David Bowie, toutes sortes de personnages qui reviennent aussi, mais il y en a des nouveaux. Il va y avoir beaucoup de Trump et de David Bowie dans cette Ah non, moi, j'ai pas fait de Trump. Ah, moi, d'accord. Moi, alors... Trump, j'essaye, c'est correct, là. Il nous fait chier, mais j'ai pas envie de le dessiner. Il y a déjà une belle couverture. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est peut-être une question que je me pose de façon plus large par rapport à votre participation dans ce genre d'événement-là. Vous avez chacun une pratique, où, je crois, où vous faites des commissions, vous allez faire des contrats pour un client précis. Il y a tout un autre pan de votre production qui est vraiment individuel, qui est vraiment votre propre, vos propres thèmes, vos propres explorations. Comment vous voyez, est-ce que vous voyez ces pratiques-là de façon différente, surtout dans un événement comme le Salon Nouveau-Genre, c'est un événement pour vendre, là. C'est un événement commercial, c'est mercantile, on veut des produits que les gens sont capables d'acheter, qui ont du plaisir. Est-ce que vous voyez ça comme une production différente ou c'est vraiment intégré toutes ces productions-là ensemble dans votre pratique? Ben moi, c'est tout intégré. Pour moi, je veux dire, autant quand je fais un contrat, comme là, en ce moment, je travaille pour Éducalcool. Là, pour un moment donné, je fais des livres pour enfants, mais toutes ces pratiques-là font que je vais chercher des éléments que je vais intégrer dans ma production personnelle. Mm-hmm. Puis, j'essaie de faire une production qui est quand même pas grand public, mais qui touche facilement. C'est pour ça que je touche à des éléments comme la culture pop que j'aime bien mélanger, comme, disons, Harry Potter avec Han Solo puis Chewbacca. Ça, j'appelle ça ma série « Faire saigner les geeks du nez ». C'est capote ben raide. Mélange Star Trek avec Star Wars. Il y en a passé, il y en a un qui voulait... Il était... je vais pas cogner sur la table, ça m'était là. C'est pas correct, ça, monsieur. C'est pas correct, ça. Il fallait que... Je dis non, c'est... Il y en a qui ont de la misère à catcher un peu, mais c'est vraiment comme... Faut savoir un petit peu de plaire à tout le monde, mais ou s'amuser en même temps. Mm-hmm. Est-ce que c'est la même chose pour vous deux, Kael, etc.? Est-ce que pour vous, il existe des pratiques, toutes ces pratiques-là sont intégrées, peu importe que ce soit pour un... Oh mon Dieu, j'ai encore un problème de micro. Veux-tu mon micro? Ah, je l'ai eu, je suis de retour. Donc, que ce soit pour un client particulier, que ce soit pour des clients futurs, comme peut-être la production pour le Salon Nouveau Genre, ou d'autres explorations, est-ce que c'est une seule et même pratique, Estera, pour toi? Moi, c'est très différent des petits originaux comme ça, comme dont ceux que je te parlais tout à l'heure, que j'en fais seulement pour des événements comme ça, mm-hmm. ou pour en mettre des fois quand j'ai le temps sur mon... J'ai un petit magasin en ligne où je vends le reste de ça, mais c'est... Ce que je fais en général pour des clients, c'est très, ben, pas très différent. Je veux dire, c'est dans le même univers, mais je fais pas, j'essaie de faire des illustrations plus complètes quand je mm-hmm. travaille pour des clients, puis c'est avec plus d'éléments. Puis ça, c'est, tu sais, les petits originaux sont très minimales. C'est juste des petits. Mais aussi, tu peux en trouver aux objets, pouvoir en parler. Oui, c'est ça. Aussi. Faut que Bruno soit content. Ouais, ça, c'est vrai. On peut en trouver aussi les objets pouvaient parler. J'en ai quelques-uns là-bas. Puis donc, elle aussi a des originaux. Ouais, les trois, on a des. Oui, aussi. Ouais. Mais, ouais, pour moi aussi, récemment, j'ai fait beaucoup de commandes pour des affiches de spectacles, de musique. Mais ça, ben, j'en vendrai pas sur un nouveau genre. Parce que ben ça n'aurait pas rapport vraiment, c'est des shows qui sont déjà passés, puis il écrit la date, puis tu sais, des quoi fois qu'on adore, des fois, on adore ah, ben les posters, merci, mais ça j'ai publié sur internet, sauf que je sais pas, des fois au spectacle aussi on en vend comme tu sais avec la table de merch, je sais pas comment on dit ça en français, mais comme tu sais la marchandise, la marchandise, c'est comme les gilets du Ben, puis comme il y a les affiches aussi qu'on met en vente à ce moment-là, parce que tu sais, c'est vraiment, les gens peuvent partir avec un souvenir mm-hmm. de cet événement-là, mais j'en ai pas fait imprimer pour le salon. Genre, peut-être éventuellement si je vois qu'il y a une demande là-dessus, mais c'est ça, cette pratique-là, ben c'est sûr que j'essaie de mettre mon style de dessin pour les affiches aussi, mais je fais une séparation entre les dessins que je fais plus pour le plaisir, ceux que je vais vendre au Salon Nouveau Genre, mm-hmm. puis ceux que je réponds pour des commandes. Tu sais, quand je fais ça, j'essaie plus de m'imprégner de l'univers un peu des groupes de musique mm-hmm. qui vont être... Donc, si je comprends bien, t'as pas de plaisir. Non, j'ai un plaisir, une autre sorte de plaisir. Pour avoir du plaisir, il faudra être en fin de semaine au Salon Nouveau Genre. Alors, ça va se passer ce samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre de 10h à 18h. Les artisans et artistes seront sur place. Alors, en grande partie peut-être, on espère vous y croiser. Oh, ils me regardent tous avec un sourire incertain. Oui, j'étais dans l'une. J'étais tombée dans l'une. Alors, il y aura en tout cas certains artisans, artistes à rencontrer, et c'est vraiment la place pour acheter les cadeaux de Noël qui vous manquent encore. Donc, merci beaucoup à vous trois d'être venus à l'aérospatiale ce soir, et puis on espère continuer à suivre vos différentes pratiques dans le futur. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci. Et de notre côté, on fait une courte pause publicitaire. On revient tout de suite après avec une entrevue avec le peintre Olivier Dessert. Les retardés mentaux sont toujours un peu réticents à l'idée du changement. CKRL 89.1. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. C'est le temps d'aller voir derrière les portes des toilettes, là où se cache la maladie de Crohn et la colite. Ces maladies chroniques, en hausse chez les enfants de moins de 10 ans, entraînent de fortes douleurs abdominales, des diarrhées et souvent une chirurgie qui change toute leur vie. Ça se vit fréquemment dans le secret, l'embarras, l'ignorance et la peur, ce qui ajoute à la douleur. C'est le temps d'y mettre fin. La maladie de Crohn et la colite. Mettez-y fin pour la vie. Visitez crohnetcolite.ca. Quiz aux bénévoles de l'Opération Nez Rouge. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Nez Rouge? Comptable. Blond. 5 pieds 9. familiale rouge. 4 cylindres, 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech 62 Deschênes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Les Rouges, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Les Rouges au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Une heure par semaine, le 9e art prend d'assaut les ondes de CKRL lors de l'émission La vie en BD. Entrevues, discussions, événements, découvertes. Animé par Raymond Poirier, accompagné par une équipe de collaborateurs passionnants, La vie en BD, c'est votre porte d'entrée vers l'univers de la bande dessinée, de l'illustration et du cinéma d'animation, avec un regard particulier sur la BD d'ici. La vie en BD, les vendredis 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. Hey yo! À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle... Ben voyons, il y avait juste deux styles musicaux? Non, mais disons qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui se faisait. La série Écoute tes classiques est de retour en force et vous présente quatre carrières ou albums marquants de la chanson populaire au Québec. Et les cocotiers glacés Lindbergh de Robert Charlebois et Louise Forestier. Lindbergh et plusieurs autres de ses compositions sont considérées comme de grands classiques. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Mais on peut affirmer que Charlebois était tout sauf politically correct. Alors, on est de retour à l'aérospatiale en cette deuxième moitié d'émission. Et si je ne me trompe pas, au bout du fil, on a Olivier Dessert. Bonsoir, Olivier. Oui, salut. Merci beaucoup de te joindre à nous, comme ça, un petit peu à distance. On est bien content de t'avoir parce que on voulait parler avec toi de l'exposition que tu présentes actuellement à la Galerie Lacerte. L'exposition s'appelle Kula. Est-ce que c'est bien ainsi qu'on la prononce? Oui, je crois que oui. Alors, Kula, du 18 novembre au 11 décembre. Et donc, c'est une exposition de travail récent. Si je me trompe pas, ce sont des tableaux relativement tous une nouvelle production. Oui, c'est ça. C'est tous des trucs, en fait, que j'ai produits cet été puis cet automne. Fait que c'est vraiment tout ce qu'il y a de pas mal plus frais dans ma production, effectivement. Oui, frais, c'est un bon mot. Pour les gens qui connaissent pas ton travail, c'est un travail bon en peinture. Surtout, en fait, je crois que tu as des pratiques en peut-être sculptural toujours, mais c'est en fait principalement ce que tu présentes là à Lacerte, c'est de la peinture. Oui, ben c'est sûr, ça constitue le gros de ma pratique. Là. Je suis sûr, je dessine aussi souvent, puis des fois je touche un peu à l'installation, mais plus occasionnellement. Là, mais je fais surtout dans la peinture. Ouais. Oui, la peinture avec une exploration très prononcée vers la couleur. Ça semble être vraiment un intérêt très fort. Des mélanges parfois improbables, on s'attend pas à ce genre de mélange-là. Comment tu t'en viens? Est-ce que c'est une exploration pour trouver des nouvelles couleurs, des nouvelles combinaisons? Comment tu qualifierais ton exploration dans la couleur? C'est vraiment, ça vient avec le temps, je dirais, là, premièrement, vraiment à force d'expérimenter, d'essayer des trucs. Puis récemment, j'ai commencé à m'amuser aussi un peu avec Photoshop, là, puis avec des choses comme ça. Il y a un tableau, en fait, il y a comme deux tableaux, par exemple, à l'exposition qui sont liés d'une façon que c'est pas possible de savoir. C'est juste que j'avais pris un tableau que j'avais pris la photo, en fait. J'avais juste modifié les couleurs avec un outil bien simple Photoshop, puis je me suis juste basé sur cette palette de couleurs-là, exemple, pour en faire un autre après qui est dans la forme pas du tout pareil, mais qui est juste comme un genre de variation d'une palette dans des autres tableaux avec un outil numérique, dans le fond. Oui, on a l'impression que certaines de ces explorations donc traversent peut-être d'un tableau à l'autre parfois, sans même qu'on s'en rende compte. Oui, effectivement. Puis aussi, je travaille souvent sur plusieurs tableaux en même temps, fait que ça arrive souvent qu'il y a des couleurs, disons, que je sais pas, j'ai un surplus de telle couleur quand je fais un tableau, je m'en sers sur l'autre qui est juste à côté, puis ça traverse de l'un à l'autre comme ça. De l'un à l'autre physiquement. Une des choses aussi qui revient, je regardais les tableaux que tu présentes à la CERT, il y en a plusieurs qui sont intitulés les briques, et j'ai l'impression que ce motif-là peut-être traverse ta production, ou est-ce que c'est plutôt des espaces qui s'imbriquent les uns dans les autres? Oui, il y avait un peu des deux, en fait. Et c'est sûr que j'utilisais, en fait, beaucoup pour cette production-là, deux, je sais pas comment appeler ça, des motifs ou des genres de motifs picturaux, en fait, pour produire. Il y avait d'un côté plus la grille, puis de l'autre côté, il y avait les cadres avec qui créaient des sections, dans le fond, dans les tableaux. Fait que pour moi, la grille, c'est un peu une façon de créer une trame, mais aussi de justement créer des sections dans un canevas ou dans un peu comme j'avais 5 motifs de grille carrés aussi là. Mm-hmm. Oui, puis il y a cette notion là de limite qui est vraiment abordée dans ton travail. D'ailleurs, une des choses qui m'a j'ai eu la chance de voir une exposition que tu as présentée un petit peu plus tôt cet automne à la galerie Le 36, l'exposition s'appelait Potlatch. Oui. Et il y avait une espèce de mélange entre le contexte de l'atelier et le contexte du carré blanc de la galerie. Cette fois-ci, à la CERT, c'est vraiment le carré blanc, mais t'es passé quand même d'un contexte où les tableaux étaient intégrés à l'atelier. Tu disais dans la première exposition, t'as dit? J'ai aussi vu ton travail directement dans l'atelier. Et là, souvent, les tableaux sont, en fait, c'est presque une installation. Et c'est vraiment, donc, d'un aspect installatif jusque le tableau dans le cube blanc. J'ai l'impression qu'il y a une progression qui s'est faite avec l'exposition 36 étant à mi-chemin entre tout ça. Oui, c'est ça. Au 36, j'avais juste, en fait, comme c'était un peu plus une allusion à ça, en fait. Là, mais c'est sûr que... J'ai rien contre le fait de séparer les deux, de faire des trucs soit complètement installatifs ou des mon vieux accrochage de galerie standard. Mm-hmm. Puis c'est au 36, j'avais pu me permettre de faire une petite combinaison des deux, mais il y a pas un aspect dans le fond que je préfère ou que je privilégie. C'est juste une question d'opportunité. Puis pour moi, c'est deux approches qui sont quand même différentes, mais qui peuvent aussi bien se marier, là, dépendamment du contexte. Mm-hmm. Et quand tu les vois exposés sur des murs blancs comme ça, est-ce que c'est les peintures prennent une présence différente? Ça fait toujours du bien de sortir du contexte ben plus beurré de l'atelier déjà. Fait que oui, ça fait c'est certain. Mais en fait, je les peins jamais en fonction de faire des installations avec. Là, je les peins vraiment comme des tableaux. Puis si je décide de faire autre chose avec après, je le décide en deuxième temps dans le fond. Mais je les peins toujours en fonction de. Je les peins comme un tableau finalement, mm-hmm. avec leur singularité. Ben c'est un travail à découvrir. On a quand même jusqu'au 11 décembre pour aller voir cette exposition là. Sinon, j'imagine qu'on peut voir ton travail aussi en trouvant ton site web sur internet. Et on va suivre ce que tu vas faire par la suite. Est-ce que tu as d'autres projets en ce moment dans le pipeline en bon français? Je peux pas trop en parler, mais probablement un autre Canadian Bacon qui s'en vient éventuellement. C'est ça, sinon il va sûrement avoir d'autres choses aussi, mais rien de je peux pas vous donner de date pour rien mais c'est sûr que je vais surtout être en production cet hiver aussi, là. Faut que je produise je suis pas mal rendu à produire des nouvelles choses, là. J'ai pas presque tout exposé ce que j'avais d'amorcé depuis cet été, donc c'était le fun de pouvoir les montrer, mais maintenant faut genre commence à faire du nouveau, puis ça fait du bien aussi. Ben, on suivra ça pour la suite. Merci beaucoup de t'être joint à nous ce soir, Olivier. Ben, ça fait plaisir. Bonne soirée. De notre côté, nous, on va aller directement sur une entrevue qu'on a préenregistrée la semaine dernière avec Véronique Leblanc, qui était à Québec dans le cadre du lancement de deux catalogues, donc de l'exposition Faire avec et fabriquer l'improbable. J'ai pu jaser avec elle la semaine dernière, et on vous présente tout de suite cette entrevue qu'on a réalisée ensemble. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Véronique, tu es commissaire, tu es auteure, tu es chercheuse en art actuel, si je peux nommer tous tes chapeaux. Tu as travaillé, entre autres, sur deux projets de publication qui sont lancés cette semaine à Québec, à la Chambre Blanche. Deux projets différents, dont un qui s'est passé aux Îles-de-la-Madeleine et un qui s'est passé à Saint-Jean-Port-Joli avec le Centre Est-Nord-Est. Deux publications, donc, « Faire avec et fabriquer l'improbable », auxquelles tu as contribué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces projets-là? Parce que ce ne sont pas des projets nécessairement très récents. Les publications viennent de sortir, mais les projets, eux, datent de 2013. Si tu veux nous remettre un peu en contexte, en fait. Oui, en fait, c'est deux projets qui se sont passés le même été. Donc, comme tu l'as très bien dit, un aux Îles-de-la-Madeleine avec le Centre d'artistes Admarais. Donc là, dans ce contexte-là, c'était une résidence événement. On invitait des artistes 3 semaines aux Îles-de-la-Madeleine pour faire quelque chose, produire une œuvre. Et là, l'enjeu, disons, central de l'affaire, c'était l'idée de la difficulté de faire avec toutes les matières résiduelles. Donc, on s'est intéressé à pas juste, bon, les objets recyclés comme matériaux, par exemple, mais on s'était aussi intéressé à c'est quoi les enjeux de la désuétude, comment on consomme, comment on jette, qu'est-ce qu'on jette. Et puis là, les artistes ont fait différents projets. Fait qu'il y avait des projets photographiques, des projets sculpturaux, des projets de performance, toutes sortes de choses qui étaient présentées ensuite dans une exposition un peu partout sur le territoire, je dirais principalement dans des sites extérieurs pendant à peu près 3 semaines au mois de juillet. Et puis, donc, après ça, évidemment, toutes les œuvres étaient démantelées, enlevées. Donc, c'est vraiment des événements en art in situ qui sont basés dans des contextes très précis et qui sont éphémères, d'où finalement l'intérêt de faire des livres avec ça. L'autre événement, c'était, bon, Fabriquer l'improbable en collaboration avec Est-Nord-Est, cette fois-là à Saint-Jean-Port-Joli, donc village au bord du Saint-Laurent. Et là, un peu le même principe, sauf que là, les artistes étaient en résidence pendant 2 mois, donc ils étaient quand même chanceux. Mm-hmm. Et l'idée, c'était vraiment de leur demander de produire des œuvres qui allaient bidouiller quelque chose pour transformer un petit peu notre rapport au familier. Mm-hmm. Donc, de vraiment, et si toutefois c'était possible, hein, de fabriquer l'improbable, parce qu'on peut se questionner sur est-ce qu'on peut fabriquer ça, l'improbable. Donc, l'idée, c'était qu'en mettant tout ce monde-là ensemble pendant 2 mois, en train de travailler sur leurs affaires, qu'est-ce qui allait émerger de ça en termes d'un peu réenchantement de la vie quotidienne et voir qu'est-ce que ça donnerait. Donc, on était 2 commissaires à travailler sur ce projet-là, moi-même et Dominique Allard, avec qui on est vraiment devenus complices. Et puis, peut-être si je peux faire justement un lien avec le fait qu'on lance ces 2 livres-là à la Chambre Blanche, c'est parce que la Chambre Blanche, ben, c'est une résidence d'artistes. Mm-hmm. Et puis, ces 2 livres-là ont pris la forme de résidence d'artistes où les artistes doivent être sur place pour créer des œuvres. Puis, il y a dans les catalogues, effectivement, il y a une réflexion sur ce lieu-là de la résidence comme un lieu particulier pour la création en art actuel. Mm-hmm. Résidence pour les artistes, résidence aussi pour les commissaires, parce que vous avez passé du temps sur place à passer du temps pendant que les artistes étaient là, mais aussi passer du temps à réfléchir aussi à ce qui se passe avec cette expérience-là de durée prolongée. Comment ça vient teinter un peu votre réflexion, le fait d'avoir à passer ce temps-là sur place, vous aussi à être en résidence avec les artistes, en fait? Ouais, ça a été très important, cette affaire-là de résidence pour les commissaires, parce que dans les 2 cas, les commissaires ont été impliqués avec les centres d'artistes puis avec le milieu local, je dirais, à peu près 1 an avant que les artistes entrent en scène. Et puis, dans les 2 cas aussi, j'aime pas parler de thème, mais disons, les questions qui étaient posées par l'événement étaient très spécifiques à ces milieux-là, donc aux Îles-de-la-Madeleine puis à Saint-Jean-Port-Joli. Et ce qui a fait que, en fait, nous, on était dans une démarche aussi d'entrer en contact avec le contexte de façon très précise, puis avec qu'est-ce qui pouvait générer chez nous comme question, qu'on allait ensuite soumettre aux artistes comme un genre de terrain de travail. Donc, je pense qu'on a fait un peu la même expérience qu'eux, c'est-à-dire entrer en contact avec un lieu, se poser des questions et ensuite les inviter à venir faire la même chose que nous pour produire des œuvres. Mm-hmm. Puis après ça, ben, dans une 3e étape, disons, les œuvres ont été comme ça désinstallées. Et là, on a pu réfléchir à ce qu'on voulait réfléchir ou conserver de ces expériences-là dans le cadre de nos textes qui ont, dans ce cas-là, été écrits à peu près 2 ans après la tenue des événements. Donc ça a été intéressant aussi, cette espèce de délai entre produire cet événement-là, être dans l'action et ensuite être dans la réflexion, puis un peu rendre compte de ces projets-là pour qu'ils touchent des publics élargis, pour ceux qui n'ont pas pu venir dans ces lieux-là. Oui, le catalogue même comme document, parce qu'il y a plusieurs façons de documenter des événements qui sont éphémères. Le choix d'un catalogue qui rassemble à la fois, il y a des photos, on recontextualise un peu ce qui s'est passé comme intervention. Il y a des réflexions qui sont venues avec un recul aussi. Qu'est-ce qui est spécifique? Pourquoi faire des catalogues? Qu'est-ce que ça a de quelle portée ça a peut-être par rapport à d'autres types de documents ou de témoins de ce qui se passe en art? Ben, je pense que c'est important de documenter les pratiques qui sont créées, en particulier lorsqu'elles sont éphémères. Hein, ces œuvres-là, pour la plupart, bon, il y a certains objets qui restent, il y a des traces qui restent, mais la plupart de ces œuvres-là, donc, existent plus nécessairement physiquement, matériellement. Et puis aussi, le catalogue, c'est un peu le résultat traditionnel presque hein, d'une exposition. Donc l'idée de documenter en photographie, d'avoir un espace de réflexion pour pouvoir écrire sur les projets. Mm-hmm. Puis peut-être que je sais pas si on est particulièrement vieux jeu, mais nous, moi et Dominique Allard, on était très attachés encore au catalogue papier par rapport à des publications numériques, par exemple. On avait envie de pouvoir avoir ces objets-là dans nos mains, les déposer quelque part, l'avoir dans notre salon, pouvoir les consulter, vraiment les manipuler aussi. Mm-hmm. Fait que le livre s'est vraiment présenté comme un peu de façon naturelle à nous, comme la meilleure manière de témoigner de ces projets-là. Mm-hmm. Dans ces livres-là, si on peut parler peut-être de chacun des projets, chacun des catalogues en particulier, j'ai eu la chance de lire une portion du catalogue de Fabriquer l'improbable. Je me permets de te citer. j'ai trouvé qu'il y avait un passage qui était vraiment intéressant où tu parles de fabriquer l'improbable, c'est tenter d'opter momentanément pour le doute. C'est adopter une forme de scepticisme face à la propagation de différentes formes de prêt-à-penser. C'est aussi réaffirmer l'importance de l'art dans cet exercice qui consiste à cultiver une attention au monde allant au-delà de l'attendu, ne serait-ce que pour revoir la place accordée à ce que l'on n'attend pas ou à ce que l'on n'attend plus. Et je trouvais ça très beau parce que je trouve qu'il y a comme une portée politique à cette pensée-là aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux élaborer un petit peu, cet aspect-là de comment opter pour le doute. C'est une façon... peut-être pas que, je sais pas si tu le phraserais comme résistance, mais une façon de penser autrement, et donc ça peut avoir une certaine forme de un certain aspect politique à ça. Tout à fait, puis c'était en fait au cœur de ce projet-là. Comment est arrivée l'idée et le titre « Fabriquer l'improbable » en fait, c'est qu'on s'est assises, Dominique et moi, puis on s'est dit « Bon, qu'est-ce qui nous préoccupe, nous, comme chercheurs, comme commissaires, comme auteurs, en rapport avec l'art contemporain? » Et puis, moi, mon réflexe, c'est d'être vraiment préoccupée par des enjeux politiques, sociaux, le rapport à l'autre, comment on va faire pour vivre ensemble. Et elle est davantage préoccupée par des questions d'ordre poétique. Comment les métaphores agissent-elles? Comment nos représentations sont-elles construites? Quel type de modèle intellectuel, scientifique on a pour penser les choses? Et donc, on a trouvé que qu'est-ce qui rassemblait le politique et le poétique, c'était cette idée du décalage. Créer un décalage avec le familier. Et puis, pour Dominique, ce décalage-là est pour moi, est à la fois poétique et politique. Et puis, je dirais aussi que cette finale-là que tu cites, de mon texte, elle vient aussi du fait que c'est quoi une résidence? Ben, c'est de se donner le temps, ce qu'on fait de moins en moins aujourd'hui, mm-hmm. De voir des choses qu'on ne sait pas qui vont arriver. C'est-à-dire de sortir un peu des logiques productivistes là, qui envahissent nos vies actuellement et de tenter de prendre un temps pour la recherche, pour la réflexion, pour l'ennui, pour laisser des idées émerger. Et donc, c'est un peu une forme de résistance, je trouve, dans la vie là, qu'on mène, qui s'accélère de plus en plus. On lit beaucoup ces choses-là dans la littérature philosophique. Là. Mm-hmm. Comment ça se fait que tout s'accélère, qu'on doit toujours être de plus en plus productif, que tout doit être axé sur un produit marchandable qui existe encore? Donc, bon, oui, on fait des produits, des livres, mm-hmm. mais là, dans ce cas-là, les œuvres ont un peu fui cette logique-là. Oui, donc des petits avant-goûts de ce qu'on peut retrouver, de ce qu'on peut revivre peut-être pour ceux qui n'auront pas eu la chance comme moi. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu la chance de voir aucune des deux expos, mais j'ai l'impression qu'à travers ces publications, on sent bien ce à quoi elles tenaient et on prolonge la discussion, en fait, prolonge la réflexion grâce à ces publications. Alors, merci beaucoup, Véronique. On peut se procurer ces livres-là, j'imagine, dans les bonnes librairies d'art. J'espère bien. Il nous en reste plus beaucoup des librairies d'art au Québec, donc il va falloir les chercher et peut-être même, à la limite, dans certains cas, contacter les centres d'artistes, donc Admaré aux Îles-de-la-Madeleine et Est-Nord-Est à Saint-Jean-Port-Joli, qui vont pouvoir vous dire où est-ce qu'ils ont envoyé ça là, pour qu'elles puissent être accessibles et vendues. D'accord. Ben, merci beaucoup, Véronique. Merci. Oh. Oui, donc vous venez d'entendre Véronique Leblanc qui était en entrevue avec moi la semaine dernière sur le lancement de ces deux catalogues. Et c'est déjà la fin de notre émission. Alors je vais vous envoyer plutôt sur le net cette semaine le petit menu, le petit agenda de la semaine côté art visuel. Mais je vais prendre une minute du temps qui nous reste pour féliciter les gagnants hier des prix d'excellence du Conseil de la culture de Québec et de Chaudière-Appalaches en art visuel. Donc, il y a Martin Bureau qui a gagné le prix Videré de création en art visuel pour son exposition Check Engine. Il y a aussi Charles-Étienne Brochu qui a gagné le prix Videré de la relève en art visuel, alors pour son exposition Heureux Ensemble. Le prix Reconnaissance en art visuel a été accordé à Aline Martineau pour sa pratique artistique, vraiment l'excellence, l'originalité, la qualité remarquable de ses œuvres tout au long de sa carrière. Et finalement, le prix 30e anniversaire qui a été accordé au Musée national des Beaux-Arts du Québec pour le nouveau pavillon La Sonde qui a influencé le développement culturel de la ville de Québec. Donc, c'était hier soir. Ça se passait directement en direct sur Facebook. Félicitations aux artistes. Et n'oubliez pas d'aller voir le Salon Nouveau Genre en fin de semaine. Il y a aussi une série de performances des artistes Marc-Claude Boutillier, Massimo Guerrera, Adrienne Norvid qui se passera au Musée national des Beaux-Arts. Alors, il faut aller voir sur le site du musée pour tous les détails. Peut-être juste une petite mention en passage de ce mercredi 30 novembre, il y aura en 5 à 7 à la Corrigane le lancement du cahier de Folie Culture, la normalité ostentatoire. Alors, vous pourrez aller vous procurer cette publication. Sinon, ils seront aussi au Salon Nouveau Genre pour animer un atelier de fabrication de fanzines. Alors, là, vraiment, il y a plusieurs choses à faire ce week-end. Et surtout, n'oubliez pas de réserver votre billet pour l'événement bénéfice artistico-culinaire de l'œil de poisson, la tablée de Noël, qui aura lieu le 8 décembre prochain. De mon côté, je vous quitte. Je vous dis un gros merci à tout le monde, tous nos invités, Véronique Leblanc, Olivier Dessert, Kael Mercader, Estera Preda et Pierre Girard. Merci à notre chroniqueuse Suzy Dufour, à Jacques Gignac, toujours notre magicien des ondes, Jean-Tiane et Audrey Caro, Audrey sera de retour la semaine prochaine. Donc, merci à nos deux comparses qui nous écoutent à distance. Vous pouvez nous rattraper en balado-diffusion sur notre page web laérospatialecrl.wordpress.com. Sinon, suivez-nous sur Facebook et Instagram et demeurez à l'écoute car Pierre Blais et son équipe vous attendent de l'autre côté de la pause pour parler de cinéma à l'émission Situation critique. Bonne semaine à tout le monde. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. En novembre, ne manquez pas au cinéma Le Clap, Le Pacte des Anges et Troll dès le 4 novembre, Chocolat et le secret de Ragnarok dès le 11 novembre, Pays et les animaux fantastiques dès le 18 novembre, Harry, portrait de détective privé, Smoke and Mirrors et Christine dès le 25 novembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Qu'on se le dise, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les Chercheurs d'or.